Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le MAG sur Radioactive. Aujourd'hui, direction le pôle formation UIMM CFAI Centre-Val de Loire, ici à Amboise, qui organise une journée de prévention routière à destination de ses apprentis et salariés. Une journée essentielle à la veille des départs en vacances, quand on sait que la route reste la première cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 24 ans. Notons qu'en 2024, ce sont 669 jeunes qui ont hélas perdu la vie sur les routes, dont 529 âgés de 18 à 24 ans. L'objectif ici est donc de marquer les esprits grâce à des ateliers immersifs et concrets pour sensibiliser les jeunes aux risques liés à la conduite. Nous sommes donc allés à la rencontre des organisateurs, formateurs, mais aussi des jeunes pour comprendre comment cette journée pouvait vraiment faire la différence. Je suis en compagnie de Monsieur Aubrin, président de l'association La Route en toute sécurité, ARTS. Bonjour Monsieur Aubrin. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistait votre atelier aujourd'hui ? Alors, j'avais plusieurs ateliers, mais celui-là où je viens juste de sortir à l'instant avec un groupe de jeunes, c'est un atelier consacré principalement aux EDPM, aux engins de déplacement personnel motorisé, et entre autres donc les trottinettes électriques, où on a discuté un petit peu sur la réglementation des trottinettes électriques, et entre autres l'importance d'avoir une assurance véhicule motorisé sur ce type de dispositif-là. Comment réagissent les jeunes face à ces mises en situation que vous leur proposez aujourd'hui ? Alors les jeunes, ils n'ont pas tous des trottinettes électriques, donc certains sont pas intéressés, d'autres échangent avec nous. Ce qui compte, c'est l'échange et puis l'écoute. Je vois que de toute façon, ils sont à l'écoute et je pense qu'ils vous le diront d'eux-mêmes. Moi, je vous dis, ce qui est important, c'est qu'ils captent au moins un peu les messages qu'on leur donne. Parce que bon, il y a la trottinette électrique. Après, j'aborde également aussi le déplacement en vélo. J'aborde aussi le déplacement piéton. Après, on utilise du matériel aussi pour leur faire voir des mises en situation aussi. Comme vous avez pu voir tout à l'heure dans l'extérieur, comme la simulateur de retournement voiture tonneau. Là, on parle plus de la ceinture de sécurité. Il y a aussi d'autres ateliers, tout ce qui est sur en rapport avec le deux roues motorisées. On sait que les jeunes aiment bien à cet âge-là les motos, les sensations de vitesse et tout ça, donc on essaie de faire comprendre. Il faut aussi calmer un petit peu parce que la vitesse, malheureusement, ça fait des drames sur la route. Et là, en l'occurrence, sur le dernier atelier où on parle plutôt de trottinette électrique, par exemple, vous avez l'impression que les jeunes sont bien au fait de tous les règlements. Est-ce qu'on a le droit de mettre un copain avec soi? Est-ce qu'on a le droit de porter des objets lourds en se déplaçant en trottinette? Alors, non, mais vous faites bien de dire parce qu'on s'aperçoit de toute façon qu'il y a une méconnaissance des règles. L'assurance, certains sont étonnés. Découvre, je vois. De toute façon, je le vois dans les yeux. En principe, en moyenne, là, sur le nombre de classes que j'ai eues, c'est 8 depuis ce matin. Sur 8 classes, il y a en tout à peu près 7-8 jeunes qui ont un dispositif comme ça. Et je vois bien que c'est à certains yeux qui tournent vite fait ailleurs. Parce que quand je leur parle d'assurance, ils sont étonnés. Et alors, soit il y a une méconnaissance, ou il y a bien la connaissance de la règle, mais on ne veut pas l'appliquer. Malheureusement, derrière, c'est si on n'applique pas cette règle d'assurance, ça peut avoir des conséquences très graves. Ces conséquences, alors il y a déjà les conséquences de l'accident par rapport à percuter quelqu'un, mais c'est surtout des conséquences pécuniaires qui peuvent aller très loin. Et puis un jeune, malheureusement aujourd'hui, s'il n'a pas cette assurance et qu'il renverse quelqu'un, il peut se retrouver à payer toute sa vie les frais médicaux de la personne hospitalisée qui peut très bien se retrouver hospitalisée à vie. Voilà. L'objectif, quand vous intervenez, c'est de provoquer un déclic, c'est d'informer, c'est jusqu'où va votre prétention, j'ai envie de dire. Alors, parfois, il y a des situations où il faut aller vraiment, vraiment limite dans le dur pour essayer de faire comprendre certains messages. Là où c'est failli, les jeunes sont à l'écoute. Depuis ce matin, je rencontre des jeunes qui discutent, qui échangent, qui sont intéressés. Bon, le message pour moi est passé. Maintenant, à eux d'appliquer les règles. Mais on sait très bien qu'on a tous été jeunes. Et à un moment, il y a ce que nous disent les adultes, puis parfois, on l'oublie. Merci, Monsieur Aubrin. Justement, on en a deux auprès de nous. Donc, on va leur demander de s'approcher de nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Actuellement au CFAI d'Amboise, en première MSPC, maintenance industrielle des systèmes connectés. Donc on va vous parler un peu de la journée. Est-ce que tu peux me donner ton prénom ? Sacha Corbel. Ok, et toi ? Et moi je suis en première MSPC, pareil, et je m'appelle Alexis Chevaux. D'accord. Alors les garçons, ce type de dispositif qui est organisé aujourd'hui au CFAI, est-ce que c'est important de votre point de vue ? Bah oui, c'est super important pour sensibiliser tous les jeunes face aux risques sur la route. On peut être en trottinette comme à pied, être en danger. Et c'est super bien de faire des petits ateliers comme ça avec base de trottinette, de présentation de casque avec des chocs. Le discours d'un monsieur qui a perdu sa jambe, c'est une bonne prévention pour moi. Après tout ce qui est retournement de la voiture là-bas, ça fait un peu comprendre les tonneaux, qu'est-ce que ça fait dans la vie. Et voilà. Parce qu'on s'y attend pas en fait, mais là c'est quand même un moyen de prévention, donc faut en profiter quoi. Bien sûr. Merci Sacha. Et toi Alexis, de ton côté, qu'est-ce que tu retiens de cette journée ? Moi, je trouve ça très important de faire de la prévention aux jeunes au CFAI. Les ateliers, que ce soit le tonneau, le casque, tout ça, je trouve ça très important, les animateurs qui font attention à nous et qui parlent. Très bien. Ça a plus d'impact qu'un spot télé ou que des affiches qu'on peut voir, par exemple, dans des abribus. Là, le fait, justement, de dialoguer avec des victimes, de voir des voitures faire un tonneau, ça doit marquer davantage, Sacha ? Bah oui, ça marque beaucoup. Parce que après, quand on l'a vécu aussi, voilà, c'est bien aussi de voir la prévention que ça peut faire, en fait, et que quand ça, on l'a vécu et qu'on a eu de la chance d'être en vie encore aujourd'hui, on se dit on avait quand même une bonne étoile au-dessus de la tête. Quoi. Donc, voilà. Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux jeunes de votre âge ? Qui prennent parfois des risques inconsidérés, que ce soit en scooter, en vélo, en trottinette, ou bien pour les plus âgés en voiture. La route, c'est pas un jeu. Quand on est sur la route, on peut mourir comme on peut survivre, mais en gros, faut pas faire le con. Et faut aussi faire attention aux gens sur la route, parce qu'ils peuvent être alcoolisés, drogués, enfin n'importe quoi, et on peut se faire faucher même en étant à pied sur la chaussée de la route, quoi. Donc faut faire attention, voilà. Ok, Alexis ? Du coup, moi, je pense faut faire très attention, s'équiper à chaque fois qu'on prend la moto, rester chez ses amis dès qu'on prend un verre ou faire attention aussi aux autres, surtout quand on a un accident avec d'autres véhicules, faire attention, dire qu'ils ont des familles chez eux, etc. Donc, je trouve ça important de faire attention. Merci beaucoup, les garçons. Merci à vous. Madame Bessière, vous êtes assistante sociale dans cet établissement qu'est le CFAI Centre-Val de Loire. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez souhaité organiser cette journée de prévention routière ? Effectivement, je suis assistante sociale dans les différents centres que nous avons dans la région Centre-Val de Loire, dont notamment Amboise, où se situe la journée de prévention sécurité routière aujourd'hui. Mes missions, en fait, consistent à accompagner les jeunes de façon individuelle, mais aussi de façon collective. Donc moi, j'ai à cœur, depuis que je suis en poste, de pouvoir proposer aux jeunes des journées de prévention, dont notamment la sécurité routière, car effectivement, en cette période où les grandes vacances vont arriver, c'est important pour nos jeunes, pour qu'ils prennent conscience des dangers de la route, en fait, que ce soit de leur gré, et aussi bien des dangers qui ne sont pas liés à leur conduite, quoi, en fait. Donc, Oui, on peut noter des comportements à risque. On parle beaucoup de l'alcool au volant, mais le téléphone portable, il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent entraîner des accidents. Oui, et puis en fait, il faut qu'ils prennent conscience que les dangers, c'est pas seulement eux sur la route, ça peut être les autres. Donc en fait, il faut être vigilant tout le temps, que ce soit en moto, à bord d'un véhicule, qu'ils aient conscience de tout ça, des dangers en fait, parce que ça peut être des intempéries, ça peut être un autre véhicule. Pouvez-vous nous dire quel partenaire vous avez mobilisé aujourd'hui ? Donc, on a rencontré Monsieur Aubrin de l'association La Route en toute sécurité RTS, mais il n'était pas le seul. J'ai aperçu la Massif à l'extérieur notamment. Oui, alors la Massif est un partenaire qui nous soutient effectivement. Après, nous avons aussi la prévention routière, donc la PR, également donc la préfecture qui est un partenaire officiel. Quand je dis la préfecture, c'est le service de la prévention routière de la préfecture. Nous avions aussi un chargé de mission en préfecture motard. Qui était présent et l'association du club de moto de la police nationale aussi qui était présente. Qu'est-ce que vous voyez dans leurs yeux aux jeunes quand ils reçoivent des messages forts comme on peut l'imaginer entre le témoignage d'une personne qui s'est sortie d'un grave accident, un tonneau, un casque qui s'écrase ? Je pense qu'ils en prennent conscience de cette gravité et que ça peut arriver à tout le monde. Et le message que justement, au travers de l'atelier de témoignage, c'est à eux de prendre conscience et de se dire on n'est pas Superman sur la route et puis qu'il faut être toujours vigilant, quoi. Et oui, comme toute opération de prévention, l'impact est toujours difficilement mesurable, mais en tous les cas, des témoignages qu'on a pu avoir des jeunes, il y a eu quand même un déclic aujourd'hui, je pense. D'où l'importance d'organiser des journées de prévention. Ce sont des initiatives précieuses. Comme vous le disiez, à l'approche des vacances d'été, la prudence sur la route, c'est donc une question de responsabilité, mais c'est surtout une question de vie. Oui, tout à fait. Et malheureusement, tous les ans et en période estivale, il y a beaucoup de morts sur les routes. Il faut qu'ils en prennent conscience, qu'il faut faire attention. Alors pas seulement l'été, ça peut être une sortie, un soir, un samedi soir, un week-end. On a eu des jeunes qui sont malheureusement décédés des suites d'accidents. Et c'est toujours malheureux d'apprendre quand on revient lundi qu'il y a des jeunes qui ne sont plus là, quoi, en fait. Donc c'est important, je pense, de mettre ces préventions, de sensibilisation. Après, ça ne peut pas empêcher empêcher non plus un accident. C'est pas que nos jeunes qui conduisent, c'est aussi les autres qui peuvent être dangereux et puis malheureusement causer le décès d'un jeune ou d'un décès de toute une famille. Voilà, donc c'est important qu'ils en prennent conscience. Nous, nous sommes là pour sensibiliser chaque année. Voilà, ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau, mais bien une opération qui se renouvelle d'année en année. Merci beaucoup Madame Bessière et un grand merci aux équipes du pôle formation UIMM CFAI Centre-Val-de-Loire pour leur accueil et leur engagement en faveur de la sécurité routière. Merci à vous. David roule tranquillement en centre-ville. Il reçoit un message et ne résiste pas à l'envie d'y répondre. Comme tous les jours, Julie rentre du collège. Elle traverse la rue. Et sera tué sur le coup. Sa mère n'osera plus toucher à sa chambre. Son père se cachera pour pleurer. Sa classe se figera dans le silence. Et son professeur donnera le cours le plus dur de sa vie. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route ? Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables.